mais à l'instant même, avec Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour. On va parler de données ouvertes au Québec. Oui, en fait, c'est un rapport sur lequel j'étais tombé il y a déjà quelques semaines. Je l'avais mis dans ma liste de choses à jaser dans cette chronique-là, parce que c'est toujours intéressant de voir où on en est. On se rappelle que l'an dernier, en fait, le gouvernement du Québec, en collaboration avec différentes municipalités, avait lancé un portail, donc donnéesouvertes.gouv. Donc, l'idée de regrouper sous un même toit des données ouvertes des différents organismes et ministères gouvernementaux qui contribuent à l'initiative, de différentes villes également qui ont déjà ouvertes leurs données en partie. On pense à Québec, Montréal, Gatineau, entre autres. Et donc, l'idée de les regrouper un peu donc sous un même lieu pour peut-être faciliter un peu l'usage ou le croisement de ces données-là. Évidemment, je me dis aussi qu'il faut que je rappelle qu'est-ce que les données ouvertes. Si tu oublies, je vais te le rappeler. Là, ben, en fait, le nom données ouvertes, on comprend que c'est un accès plus facile aux données. Là. Oui, ben en fait, déjà, les gouvernements, les villes, les municipalités donc produisent une large quantité de données. Donc, que ce soit de l'information sur leurs horaires, leurs activités, que ce soit des informations sur les relevés de cadastre, les relevés géomatiques, les relevés cartographiques, que ce soit des informations sur la qualité de l'air, sur la criminalité, sur l'occupation des salles d'urgence, etc. Donc, il y a plein de données qui sont générées comme ça. Et jusqu'à il y a quelques années, qui se retrouvait plutôt disséminé sous différents portails. Pas toujours facile à trouver et pas nécessairement non plus dans des formats convenus, si on peut dire. Donc, il y avait une variété de formes, il y avait une variété de lieux. Et éventuellement, ben dans le fond, les différentes villes ont commencé à ouvrir des portails de données ouvertes. Donc, à dire, ben on va prendre ce qu'on est en mesure de partager, qui relève pas de la vie privée des citoyens et citoyennes, qui est peut-être plus simple aussi à partager. On va le mettre sur un premier portail. On va organiser des activités, des hackathons, d'autres événements comme ça pour inciter les gens à inventer des usages autour des données ouvertes et tranquillement d'autres ont suivi le pas, donc ce qui a mené au portail l'an dernier également. Donc l'idée c'est d'avoir donc un format qui est facile d'usage, donc de rendre des données disponibles dans un format facile d'usage et de d'animer, si on peut dire, au départ, ces données-là quant à leur réutilisation, leur récupération. Donc c'est l'idée qu'on a de l'information qui sert à des choses X à l'intérieur du cadre municipal, mais pour qui des entrepreneurs, des citoyens pourraient avoir des usages Y. Oui. Je donne un exemple précis, tiens, avant de se lancer. C'est les exemples qui sont cités par le Sufrio, en fait, dans ce rapport-là, comme étant des bons exemples, des bonnes réalisations autour des données ouvertes, là, déjà existantes au Québec. Des applications que vous connaissez peut-être, d'ailleurs, comme Docteur. Docteur, qui est, elle, une application qui permet de suivre en temps réel l'occupation des civières en urgence au Québec. Donc, on a accès, et eux vont chercher, bien évidemment, les chiffres sur les sites des ministères concernés. Donc, ça permet, au public d'aller cibler des urgences qui sont peut-être moins fréquentées que d'autres. Donc, si jamais on a le choix entre l'une et l'autre. Ça marche d'ailleurs fort bien. Il y en a une autre aussi. Les gouvernements ont rendu disponible, si on peut dire, leur système d'allocation de contrats publics. Et il y a une application qui s'appelle Le Contractuel, qui, elle, va chercher, va répertorier un peu ces informations-là. Il y en a une autre, Index Santé, qui essaie d'évaluer, un peu comme Docteur, le temps d'attente sur les urgences du Québec en fonction du nombre de patients sur les civières, mais aussi en élargissant un peu en disant qu'on va essayer de voir qui est sur une civière depuis 24 ou 48 heures. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des défis d'effectifs. Donc, on essaie d'avoir une version un peu plus, plus complète. C'est vraiment pratico-pratique. C'est pratique. Intéressant. Et c'est toujours un peu comme ça, dans le fond. Il pourrait pas y avoir des dérives, savoir le nombre de pédophiles qui sont sortis de prison. Est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs comme ça un peu? C'est selon les informations qui sont rendues publiques. Si je donne un exemple, il y en a une qui s'appelle Condamnation au pluriel. Et essentiellement, c'est ça va chercher du côté du MAPAC, donc les établissements alimentaires, sur 2 ans. Donc, quelles amendes ont été données pour quels établissements et qui les répertorie de manière cartographique. Alors, comme ça, on peut évidemment pouvoir savoir un peu l'emplacement des restos qui ont été fautifs dans les dernières années. Donc, évidemment, c'est le genre de... Ça dépend des données qui sont rendues disponibles, au final. Donc, il ne peut pas vraiment y avoir de dérive, puisqu'il y a un contrôle sur ce qui est rendu disponible. Exactement. Et c'est peut-être un peu, d'ailleurs, un des freins, si on pourrait dire, à l'usage des données. C'est toujours un peu la question de l'intérêt des données qui sont rendues disponibles. Évidemment, donc, si on regarde un peu ce que les villes rendent public pour l'instant, du moins. Là. On parle surtout d'informations, disons, non sensibles. De manière générale, au niveau des ministères, c'est essentiellement l'environnement, les ressources naturelles, l'énergie, l'économie, les entreprises ou la santé, donc qui sont les jeux de données disponibles. On parle dans les organismes société, culture, finance, économie aussi, beaucoup. Donc c'est ce qui ressort énormément du côté des ministères et des organismes gouvernementaux. Et du côté des municipalités, c'est essentiellement l'infrastructure, qui rend des données en lien avec ça, des données aussi en lien avec le tourisme, les sports, les loisirs. Donc exemple, l'agenda des loisirs, les horaires d'autobus, la localisation des horaires, des arrêts d'autobus, etc. Et à ça, on ajoute aussi les thèmes de l'environnement, des ressources naturelles, le gouvernement, finance. Donc, c'est des jeux de données qui sont souvent des données géospatiales, des données statistiques ou des données financières, budget et autres. J'imagine que cet été, on aura un peu de trucs sur les constructions routières. Exactement. Ouais, c'est genre d'éléments qui sont rendus disponibles. Si on pousse un peu plus loin aussi, c'est sûr que les citoyens également participent des fois à l'enrichissement de certaines banques de données. Je prends exemple de groupes qui sont répertoriés dans les dernières années, les stationnements pour vélos. Où sont-ils? C'est où on peut laisser notre vélo et le barrer sans utiliser une clôture. Il y a des applications similaires qui ont été faites avec les toilettes publiques. Avec donc des éléments comme ça qui faut y penser. Oui, les arbres dans les parcs, etc. Alors il y a des usages un peu comme ça, mais comme tu dis, Caroline, faut y penser et faut avoir aussi quand même des jeux de données qui représentent un certain enjeu, un certain intérêt. Donc quand on parle du temps d'attente en santé, mais ça répond à un besoin. Ça nous permet de savoir un peu mieux ce qui se passe en temps réel dans les attentes. Si on a la même chose avec la qualité de l'air, par exemple, ça devient quelque chose d'assez intéressant aussi. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de données qui sont disponibles? Est-ce que les données qui sont disponibles sont dans le même format ou qu'on parle la même chose? Donc, des fois, c'est des enjeux aussi de pouvoir faire des comparatifs à partir de données qui permettent un comparatif. Donc, on peut dire qu'on est en mesure d'évaluer le temps d'attente en fonction du pourcentage d'usage des civières et du temps que les gens sont sur les civières. Mais si après ça, j'ai des données mensuelles et des données hebdomadaires disponibles quant à la qualité de l'air, avec des données qui sont quotidiennes qui viennent compléter ça, mais comment je fais la comparaison? Ouais. Comment je peux développer quelque chose qui est peut-être un peu plus cohérent, si on peut dire, ou cohésif? Donc ça, c'est le genre de défi qu'on peut rencontrer. Et évidemment, ça amène aussi le Cefrio à identifier une série d'écueils ou de dangers, de barrières, si on peut dire. Là, tu parles du Cefrio, c'est pour ça existe en tant que tel. C'est Cefrio. Oui, en fait, c'est une organisation. Puis, dans le fond, souvent, ils font des rapports, des analyses au niveau gouvernemental, au niveau de l'usage du web chez les Québécois et autres. Donc, plusieurs enquêtes, plusieurs projets de recherche aussi en lien avec ces enquêtes-là ou autour de celles-ci. Et donc, c'est un peu, eux ont été mandatés par le gouvernement du Québec pour évaluer peut-être un peu l'usage, l'impact de ce portail-là, donc à peu près un an plus tard, donc dans la première année d'exercice. Donc, quelle est la nature des données? Pourquoi il y a peut-être moins de participation que ce qu'on aurait aimé? Donc, d'essayer d'identifier ces différents éléments-là. Est-ce que les gens sont... c'est là, c'est ouvert, c'est donné. Mais est-ce que les citoyens, le commun des mortels, à part Raymond Poirier, mais est-ce que les gens sont au courant? Est-ce qu'il y a eu de la promotion? Est-ce qu'on a fait... Il y a eu de la promotion, en fait, des événements, des éléments pour mettre en valeur un peu ces données-là. Mais le défi, c'est que c'est pas quelque chose que le citoyen lambda peut consommer facilement. Donc, c'est pas dans des formats qui sont faits pour être consommables simplement à la lecture. C'est fait dans des formats qui peuvent être compatibles avec une lecture informatique. Donc, ils peuvent être transférés dans des applications peut-être de manière plus facile, plus aisée. Donc, ce qui fait qu'on a quand même besoin soit de prendre beaucoup de temps pour aller creuser, scruter ces données-là d'un point de vue presque journalistique. Donc, on parle de l'enquête de données. Là, ça se fait de plus en plus, d'ailleurs, ça et là, ne serait-ce qu'avec également des fuites massives. Là, on peut penser aux fuites de courriels et le reste, mais les gens qui lient, qui scrutent ces courriels-là, font un peu du journalisme font du journalisme de données, pas un peu, mais en fond. Là, c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Donc, dans le cadre de ces jeux de données-là, donc c'est plus à l'usage de développeurs informatiques ou de citoyens capables de développer des éléments en informatique, que ce soit des applications web ou des applications mobiles, qui vont pouvoir après ça les utiliser et générer d'autres usages. Donc, par exemple, copilote, ça, c'est un usage qui était venu dans le contexte d'une activité d'animation. Un hackathon, donc qui a été proposé, qui ensuite a été récupéré ou repris par la ville, qui à partir de ça a appuyé le développement dans le fond d'une application plus large, plus complète, mais autour d'un exercice d'un week-end qui avait été effectué par des étudiants et étudiantes, je pense que c'est du cégep Limoilou dans ce cas-là. Alors, donc il faut l'animer. Et évidemment, à travers ça, il y a des défis. Donc, il faut que ça soit des données qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, évidemment, parce qu'on peut rendre plein de choses publiques. Mais qu'est-ce qui a réellement un intérêt? Mais en même temps, le défi, c'est qu'on ne sait pas non plus nécessairement quel va être l'intérêt des jeux de données avant qu'elles ne soient publiques, avant qu'on les propose dans des événements. On peut être surpris. Et c'est un peu l'idée des données ouvertes, c'est de dire, ben, nous, on utilise ces données-là pour l'usage qu'on en fait, mais il y a peut-être d'autres choses. La population les a payées. De toute façon, c'est entre guillemets l'argent de nos taxes. Ouais. Alors, on les rend disponibles. Évidemment, à ça, il y a le défi aussi de l'absence relative d'un cadre de gouvernance. Donc, il y a un portail qui est offert au niveau gouvernemental, mais il n'y a pas encore d'obligation formelle. Il n'y a pas encore de priorité formelle au niveau des orientations stratégiques pour dire, ben, on ouvre les données. C'est souvent ce qui est proposé, c'est de dire, ben, on ouvre les données par défaut. Donc, une donnée nécessairement sera ouverte, doit être ouverte. À ça, on ajoute aussi, évidemment, des défis budgétaires en disant, mais si c'est pas une priorité, ben, on n'a pas alloué non plus les budgets nécessaires pour pouvoir avancer là-dedans. Et enfin, ben, ça revient un peu à ces grands défis-là. Donc, c'est de dire, ben, qu'il faut que le gouvernement, si on veut aller plus loin dans l'ouverture et dans l'animation de ces données-là, ben, que ça doit être une priorité plus large que ce que c'est actuellement. Du moins, c'est vraiment ce qui semble ressortir du CEFRIO. Donc, il y a des choses, du rapport du CEFRIO. Donc, il y a des choses intéressantes qui se font, mais il y a plus de choses qui pourraient se faire s'il y avait plus de données, plus de variété dans les données et également ben, plus de volonté. De facilité d'accessibilité. Ben. Ça s'améliore. C'est pensé pour les informaticiens. Ouais, d'abord c'est et ça. Avant tout. C'est ce qu'il faut dire. Ouais. Ben, de toute façon, c'est jeune. Là. C'est quoi, un an, tu dis? Oui, ça fait un an, en fait, puis ça fait seulement quelques années qu'au Québec. Encore à l'adolescence. Là. Le problème, c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui sont déjà adultes ailleurs dans le monde. Donc, on a commencé un peu tardivement, on a un petit retard. Bon, on le rattrape. Merci, Raymond. Fait plaisir. Merci, c'est un plaisir réciproque.